amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, un ami est là. Petits amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, mon amour est là. Vois-tu, je t'aime, belle hirondelle, vois-tu, je t'aime, petite souris. Je voudrais faire dans ma maisonnette une grande fête pour mes amis. J'ouvre les portes et puis les fenêtres pour que le vent puisse entrer chez lui. Les alentours vont me trouver bête, peut-être chanteront-ils aussi. Vois-tu, je t'aime, belle hirondelle, vois-tu, je t'aime, petite souris. Je voudrais faire dans ma maisonnette une grande fête pour mes amis. Petits amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, un ami est là. Petits amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, mon amour est là. Je vous invite, petites bêtes, je vous invite, les grandes aussi. Pas de méfiance, c'est votre fête, un pas de danse, c'est ça la vie. On fait la ronde et puis on s'embrasse, le roi lion et le petit mouton. Et la tendresse envahit la place pour s'habiller de jolies chansons. Je vous invite, petites bêtes, je vous invite, les grandes aussi. Pas de méfiance, c'est votre fête, un pas de danse, c'est ça la vie. Petits amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, un ami est là. Petits amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, mon amour est là. Vous les enfants dans vos maisonnettes, vous les enfants marchez avec moi. Petits et grands, il faut faire la fête dans les maisons, les champs et les bois. Il faut ouvrir tout grand les fenêtres pour faire chanter le vent dans les cœurs. Il faut chérir les hommes et les bêtes pour tous ensemble trouver le bonheur. Vous les enfants dans vos maisonnettes, vous les enfants marchez avec moi. Petits et grands, il faut faire la fête dans les maisons, les champs et les bois. Petits amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, un ami est là. Petits amis des bois, petits amis des champs, en fête, venez voir chez moi, mon amour est là.